Bon, en fait, j'ai perdu à la courte paille. C'est pour ça que je suis ici. D'accord. Exode chapitre 25. Je trouve intéressant le dernier chant qu'on vient de faire. Mon Dieu possède toutes choses. Hein? C'est vrai? Puis il prend soin de ses enfants. Non, bien, c'est intéressant parce que ça va carrément avec ce qu'on va discuter tout à l'heure. Hein? En fait, c'est central. Alors, le chapitre dans lequel on est, Exode 25, ça commence les instructions concernant le sanctuaire. Le sanctuaire, on va le regarder un petit peu, là. C'est plus que le chapitre 25, là. Mais on va enlever ça de là. Est-ce que vous m'entendez bien pareil? Bon. Concernant le sanctuaire, puis tous les outils qu'on va avoir de besoin pour le sacerdoce, et ça inclut aussi les habits, que les prêtres doivent porter, etc. Toutes sortes de choses qui vont être discutées du chapitre 25 et plus. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez de ça, c'est que Dieu il a un profond souci de tous les détails. Quand il dit, Genèse chapitre 1, que le septième jour, il s'est reposé de toute son œuvre, considérez ce qu'on va faire ici dans le chapitre 25 et la suite. C'est avec le même souci du détail que Dieu a fait la création, c'est avec le même souci du détail que Dieu nous a créés, c'est avec le même souci du détail que Dieu prend soin de nous. C'est intéressant. Je ne vais pas m'enfarger en passant là, dans tous les détails du texte. Je vais rester plutôt à un niveau un petit peu supérieur parce que les autres chapitres, ils auront à s'occuper des détails. Alors, juste pour vous mettre dans le contexte, là, Exode commence... Sorti de l'Égypte, OK? Et c'est ce qu'on a fait à date, là, jusqu'au chapitre 19, c'est le voyage jusqu'à la montagne du Mont Sinaï, avec tout ce qui s'est passé, les épreuves, tout ça, les problèmes d'attitude du peuple d'Israël, mais finalement, il arrive au pied du Mont Sinaï, et là, Dieu va donner ses instructions. Et au chapitre 20, on a vu le décalogue, les 10 commandements. Chapitre 21, 22, 23, c'est l'Alliance. Voici l'alliance que Dieu fait avec... c'est Dieu qui la propose, l'alliance. Et le peuple qui est là, en fait, l'alliance est écrite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle est écrite. Puis au chapitre 23, à la fin du chapitre 23, Moïse va faire un sacrifice, puis il va arroser le livre et la foule, tout le monde, avec le sang, hein, pour sceller l'alliance. Ils ont tous dit... Nous ferons ce que l'Éternel a demandé. Ben ça, c'est le fun, là. J'entends ça souvent, moi. J'ai compris, je vais le faire, mais ce qui suit après n'est pas nécessairement ce à quoi on s'attend. Mais c'est dans la nature humaine. Alors, eux, là, c'est ça. Ils sont au pied de la montagne. Et là, au chapitre 24, Moïse va monter sur la montagne. Et il y a une description un peu de la montagne, de Dieu, comment il se présente, comment il parle, comment le peuple réagit au ton de voix. Puis c'est le fait que la montagne, c'est sacré. Okay? Et donc, ils ne peuvent pas s'approcher. Il y a juste Moïse. En fait, ils vont avancer avec les anciens, mais à un moment donné, là, tout le monde arrête. Mais il y a juste lui qui va monter jusqu'à dans la présence de Dieu. À partir du chapitre 25 jusqu'à 31... Ben, c'est ça. C'est les instructions relatives à la construction du sanctuaire. Ça inclut tout, là, je vais pas rentrer dans les détails ici, ça inclut tout, là, de 25 à 31. Mais Moïse est sur la montagne. Ce qu'on va discuter, là, Moïse est sur la montagne, Moïse entend tout ça, mais le peuple est en bas. Ils n'ont rien entendu, eux autres, là. Ils attendent. C'est comme quand tu pars de la maison, puis tu n'as pas dit aux enfants, et quand tu reviens, ben après un petit bout de temps, ils s'imaginent que tu ne reviens pas. Fait que là, c'est free for all dans la maison, c'est le party, il n'y a pas d'instruction. Fait que au chapitre 32, c'est-à-dire, Dieu va les faire descendre, va faire descendre Moïse vers le peuple parce qu'ils sont détournés de Dieu déjà. Fait que là, il restera. C'est parti de 35, là, ils vont construire le sanctuaire. Puis, ça finit, là, 40, avec l'Éternel descend dans le lieu très saint. OK? Fait que, Exode, là, c'est à partir de 20, c'est Dieu qui dicte. D'accord? Fait que, on va lire Exode 25, mais je vais partir à 24-12, parce que je pense que c'est important, là. Dans la Louis II. Ça va, tout le monde? Est-ce que je parle trop vite, là? C'est une nouvelle année, hein? Puis moi, je n'ai pas parlé pendant les fêtes. Fait que là, moi, je peux repartir à haute vitesse, là.

le propitiatoire. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ça fait deux fois qu'il dit. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de quatre doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Fait que si vous comprenez ici, là, on est en train de faire quelque chose, une table et une arche, une boîte, puis les deux doivent être capables d'être transportés. Pour les transporter, on met des barres dans les anneaux chaque côté, puis on va pouvoir les transporter. Jusqu'ici, ce qui était fabriqué avec du bois d'acacia recouvert d'or. C'est comme certains bijoux qu'on achète au magasin, tu sais, ça dit 14 carats d'or, là, mais il faut que tu grattes un peu pour être sûr que c'est toute la profondeur. Parce que des fois, c'est recouvert, c'est plaqué or, mais c'est pas or. Parce que ici, là, c'est plaqué or. Mais checker le chandelier. Tu feras un verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Excusez-moi, là, on est dans le désert, là. On est parti avec ben du stock. C'est, je ne sais pas vous autres si vous avez déjà déménagé, là, mais ça prend un petit peu de temps avant qu'on arrive à destination pour finir de ressortir les affaires des boîtes. Mais eux sont dans le désert, et là, Dieu leur donne du travail là, de précision. Okay? Une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés. Trois branches du chandelier de l'un des côtés, trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Il n'y a pas de bois dans le chandelier. C'est juste de l'or pur coulé d'une pièce. Avec tous les détails que vous avez là. Ça veut dire que le moule, là, il faut que ce soit bien fait. Tu feras ces sept lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Fait que sans le modèle, là, toute cette description-là, là, moi personnellement, je débarquais au deuxième verset. Il y a juste moi, là? Ça va? OK. Alors, ce que j'aimerais qu'on comprenne du texte qu'on va regarder, parce que on peut donner des petits détails techniques, là, mais ce n'est pas tellement ça qui est important, comme qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec Israël, puis qu'est-ce qu'Israël doit faire. Okay? Puis ce que j'aimerais vous retenir de ça, c'est que ça vaut la peine de mettre sa confiance en Dieu. Il connaît tous les détails. Il sait parfaitement tout ce qui s'en vient. Tout ce qu'il est en train de décrire, ça va servir à quelque chose. Okay? Ça va servir à quelque chose. Quand Dieu explique ça à Moïse, là, quand vous le lisez, nous, on lit le texte, là, puis on sait à quoi ça, la tente d'assignation a l'air, on sait que, à quoi a servi le tabernacle, on sait un paquet d'affaires. Mais là, lui, il l'entend pour la première fois. Là. Ça, si tu me donnes des barres, ça veut dire qu'il faut pouvoir le transporter. Si tu me demandes de faire ci, il me demande de faire ça. Il y a une raison. Là. Fait que là, faut que je devine en même temps là, que tu me donnes de l'information, faut que je devine à quoi ça va servir. Mais là, quand Dieu, il ne donne pas cette information-là, pas là. Plus loin, il va donner d'autres lois. Mais il ne donne pas les. Qu'est-ce qui va venir après? Fait que, mais nous, on sait ce qui va venir après. Fait que mettez votre confiance en Dieu. Quand vous savez ce que vous avez à faire, même si ça n'a pas l'air, ce qui est autour de vous, cohérent, là, faites ce que Dieu a dit, parce que ça va marcher. Okay? Alors, comment je vais l'approcher? J'avais quatre angles. Premièrement, c'est Dieu qui dicte comment s'approcher de lui. C'est là la différence avec toutes les autres religions. C'est pas l'homme qui dit comment il va s'approcher de Dieu, c'est pas l'homme à deviner. Dieu dit clairement comment il veut qu'on s'approche de lui. Dieu a tout pourvu. Tout ce dont ils ont besoin était tout là. Quand il dit, donc, tu vas demander là, qu'il m'apporte les affaires, là, ils ont tout ça. Là. Ils ont tout ça en quantité abondante. Au chapitre 35-36, il va leur dire, ça va faire, ça, c'est beau, là. Arrêtez de donner, là. On a trop, là. Ils en ont du stock. Dieu appelle à une offrande volontaire. Bien qu'ils ont tout, Dieu leur a tout donné, Dieu demande une offrande volontaire. Bien que vous êtes assis ici et que Dieu vous a tout donné, Dieu, il y a une raison pourquoi l'Église existe, l'Église universelle, mais aussi l'Église locale. Il y a une raison. Dieu nous a mis ici pour une raison. Ce que Dieu demande, c'est qu'on fasse ce qu'on a à faire de bon cœur, volontairement de bon cœur. Puis Dieu désire habiter au milieu de son peuple. C'est ce qu'on a lu dans le texte. La raison qu'il va faire ça, c'est qu'il veut venir habiter au milieu de son peuple. Okay? Et il veut que son peuple le serve avec joie. C'est pour ça que, si je retourne à l'autre d'avant, il veut une offrande volontaire, qu'on le serve avec joie, pas en se plaignant. Ça va? Donc, le premier point, c'est Dieu qui dicte comment s'approcher de lui. Puis on a vu deux fois dans le texte qu'il dit « d'après le modèle qui t'est montré okay? ». Et le modèle qui est montré, là, il est parfait. Alors, la première affaire, c'est Dieu dit. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, voici ce que tu vas leur dire. Ils vont me faire un sanctuaire, au verset 8, puis je vais habiter au milieu d'eux. Ça, c'est la raison pourquoi je te donne toutes les instructions ici. Mais je vais habiter au milieu d'eux, mais pas juste pour être là pour... on est des bons amis. Hein? Non, non, je vais t'habiter au milieu d'eux, mais ils vont me servir. Tout ce qui vient là, entre le chapitre 25 puis 31, là, c'est des instructions pour savoir comment s'approcher de Dieu. Vous allez faire le tabernacle et il va servir le tabernacle à permettre au peuple de s'approcher de Dieu. Vous allez le faire, puis tous ces ustensiles d'après mon modèle, c'est ce que Dieu dit. C'est pas vous là, qui allez me dire comment ça... C'est moi qui vous dis comment vous approcher de moi. C'est moi qui est parfait, c'est moi qui est saint. Moi, je vais vous dire comment vous allez vous approcher de moi. Puis en fait, on sait que l'Ancien Testament, c'est un pédagogue pour le Nouveau Testament. Alors, c'est Dieu qui décide comment nous, on devient enfants de Dieu. Puis c'est Dieu qui décide... Pourquoi il m'a placé dans telle place, à tel endroit? Pourquoi que moi, je suis comme ci, puis je ne suis pas comme les autres? Puis pourquoi que l'autre est comme ci, puis il n'est pas comme moi? C'est Dieu qui décide. Il y a un but, il y a une raison. Fait qu'on peut juste marcher paisiblement. Ou on peut se plaindre. Mais Dieu veut qu'on marche paisiblement. C'est là que je me rencontrerai avec toi, au propitiatoire, au verset 22, là, quand il dit, quand ça va être installé, là, l'arche va être installée, entre les deux chérubins, là, sur le plateau, imaginez, c'est un plateau, il y a deux chérubins qui regardent. Là, c'est là que je vais me rencontrer avec toi, dans le lieu très saint, pas ailleurs. Et ça va être au milieu du peuple. Alors, le peuple va savoir quand je te parle, OK? Il n'y a pas de cachette. Et je vais te donner mes ordres, je vais te donner mes ordres. Je vais te donner mes ordres. Et là, qu'est-ce qu'il décrit dans le chapitre ici? Là? C'est pas qu'est-ce que t'en penses, Moïse? Là? Voici comment je le veux. Voici le modèle. Voici les choses. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est ça que je veux. OK? Et là, le défi, c'est que. Hey, on est bon, on parlait de communication, mon projet tantôt. Et Moïse, il va descendre dans la montagne. Là. Lui, il a vu le modèle. Il faut qu'il explique au monde en bas, là. Puis il faut que... C'est pas lui l'artisan, là. Moïse, c'est pas un orfèvre, là. C'est pas lui qui va faire la job. Il faut que ceux qui sont qualifiés la fassent la job, mais il faut que quand c'est fini, là, il faut que ça soit pareil comme le modèle que Dieu a donné. Fait qu'il dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle, OK? C'est ça, le modèle. Ça, c'est pas le modèle. Ça, c'est le produit fini, là, qu'on pense qu'il ressemblait à ça, là. OK? C'est le produit fini du sanctuaire. Fait que vous avez une clôture tout le tour. À chaque poteau, là, ça vaut une petite fortune. Chaque poteau. La toile, là, ça vaut une petite fortune. La cuve, c'est du cuivre. Comment ça vaut le cuivre aujourd'hui, je suis le fun, là? Hein? Le bûcher, là, et tout ça, là, ça vaut de l'argent. La tente d'assignation, est-ce que vous voyez ma... Non, hein, vous ne voyez pas ma flèche, hein? Non. Oui, vous la voyez? OK, parfait. Fait que ici, c'est la cuve. Ici, c'est le, là où on va faire brûler la chair. On tue l'animal avant, on fait brûler là. Ensuite, le sacrificateur se lave ici. Ensuite, il rentre dans, le lieu, dans la tente. Dans la tente, il y a deux parties. La première partie, qui est à peu près les deux tiers, c'est le lieu saint. Puis tous les sacrifices, là, ils sont présentés à Dieu ici. Mais le lieu très saint, c'est juste une fois par année que le sacrificateur va y aller. On va revenir là-dessus dans les autres chapitres. Mais ça, ici, il y a, je pense que c'est cinq couvertures, une par-dessus l'autre. On va regarder ça aussi dans les autres chapitres. Mais c'est juste pour dire, il y a plein de détails. Puis là, si vous regardez, là, chaque couverture est faite d'un matériau différent. On va voir ça. Mais ici, sur l'étoile, là, c'est des chérubins qui sont brodés. Merci. Et c'est ça. Donc, juste pour dire, ça, c'est fait à l'image du modèle que Moïse voyait sur la montagne, dans les modèles dans les lieux célestes. Qui fait que... ça, c'est la job qu'ils ont à faire. Et ils vont réussir à le faire. Okay? Mais toutes les affaires, là, c'est telle grosseur, telle grandeur, tel poids, tel produit, etc. Même sur le sacrificateur, là, on va voir son linge un petit peu tantôt. Tout est bien précis. Il n'y a pas de place à l'erreur. Dieu n'acceptera pas l'erreur. Puis son agent de communication, Moïse, va s'assurer que c'est comme ce qu'il a vu. OK, c'est bon? C'est du travail, là. Puis ils vont faire ça du chapitre 35 au chapitre 39. Alors, l'arche de bois. Ils feront une arche de bois d'acacia. Là, j'ai pas envie de tout leur lire au complet, à moins que vous me le demandiez, là. Mais ce que j'aimerais que vous voyez, c'est que Dieu, il dit, « Tu la couvriras. Tu y feras. Tu fondras. Tu l'émettras. Tu feras. Tu couvriras. Tu passeras. Tu mettras. » C'est ça que tu vas faire. Je ne demande pas ton avis. Quand dans le corps de Christ, Dieu, il ne nous demande pas notre avis, il nous dit quoi faire, il nous dit comment se comporter, il nous dit pourquoi les choses sont là. Maintenant, moi, je peux contester parce que ce n'est pas ma manière, ou je peux me soumettre. Quand Moïse va descendre, là, puis qu'il va leur dire, « OK, voici ce qu'il faut faire. » Hey, « Es-tu malade, Moïse? T'as-tu pensé à l'affaire? Hey, sérieux? » Non, s'il y a de la contestation, ça ne marche pas. Fait que je retourne au verset où il dit, « Demande-leur qu'ils donnent, qu'ils servent, de bon cœur. Je ne veux pas ceux qui n'ont pas la bonne attitude. Je veux juste ceux qui ont la bonne attitude. Je vais utiliser ceux qui ont la bonne attitude. Les autres, laisse-les faire. OK, ça va? Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est moi qui vais te dire quoi mettre dans l'arche. Il n'y aura rien d'autre dans l'arche que qu'est-ce que je vais te dire de mettre dans l'arche. Ça va? Puis en plus, je ne peux pas toucher à l'arche. Personne ne peut y toucher, c'est pour ça les barres. S'il y en a un qui y touche, on va voir ça plus loin dans l'histoire. Là, s'il y en a un qui touche, il meurt sur place. T'sais. Tu ne peux pas y toucher. C'est parfait, c'est la perfection. Mais ici, c'est que Dieu dit, tu vas me faire une arche de bois, d'acacia, puis tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, puis l'or va être remis par-dessus. Okay? Puis après, quand tu vas finir l'arche, tu vas mettre dedans ce que je vais te dire, ce que je vais te donner pour mettre dedans. Tu vas faire un propitiatoire d'or pur. Propitiatoire, là... Ça veut dire ce qui rend propice à. Fait que le propitiatoire, ça va être le couvercle de l'arche, c'est l'endroit où il va se passer quelque chose qui fait que le sacrificateur qui vient au nom du peuple devient propice, ça veut dire apte à parler avec Dieu. Parce que tant que ça n'a pas eu lieu, il n'est pas apte à parler avec Dieu. Le propitiatoire, là, c'est l'endroit où le sang des animaux sacrifiés va être mis dessus pour effacer les péchés, de ceux qui sont concernés, du peuple ici. Puis quand ça c'est fait, Dieu se présente à Moïse. Tant que c'est pas fait, Dieu se présente pas à Moïse. Est-ce que ça va? Tant que Christ n'est pas mort à la croix, nous sommes étrangers de Dieu. Quand il est mort, il est ressuscité, il a payé à notre place. Maintenant, on a accès au trône de Dieu. Pourquoi? Parce que la propitiation a eu lieu. C'est Christ qui l'a fait. Le sang versé par Christ nous rend propices à nous approcher de Dieu. Est-ce que ça va? Alors, tu vas faire ton propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées, même chose. Là, tu feras deux... c'est le « tu ». Tu feras deux chérubins d'or. Tu fais, vous ferez, tu. OK? C'est moi qui dicte, c'est toi qui fais. Comme je le veux. Mais je répète, Moïse, il n'a pas cette expertise-là. Ça va? Ça va rendre bien beau, mal expliqué 250 fois là, avant que je devienne bon avec comme un orfèvre. Là. On a une couple d'années d'expérience à travailler tous les jours, puis en assidu avec un bon coach à côté. Là. Peut-être qu'on va y arriver. Mais ici, voici les instructions de Dieu. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ça fait deux fois qu'il dit. Ça sert à quelque chose, l'arche. C'est à ça que ça ressemble. Ou ça pouvait ressembler. Vous avez le coffret en bas. Le coffret. OK? Puis le couvercle qui est par-dessus, avec deux chérubins. Là, vous allez sur Internet, là, vous faites juste taper Arche de l'Alliance. Là, puis vous allez avoir différents modèles. Là. Il y en a qui ont mis les bras sur la longueur, d'autres ils ont mis sur la largeur. Les chérubins, ils sont plus hauts, les ailes. C'est pas grave, là. C'est pas ça qui est important. C'est que c'est un coffret qui ressemble à ça. Puis le témoignage qui va être mis dans l'Arche à la fin, là, c'est les deux pierres, les 10 commandements. Une urne avec de la manne du désert qui ne desséchera pas. Et le bâton de Moïse, d'Aaron, excusez-moi, avec des pousses, là, il y a des feuilles, il y a des fleurs, puis il y a même des amandes dessus. C'est quand même, hein, faut le faire. Le bâton, il est coupé, ça fait longtemps qu'il est mort, ce bâton-là. Là. Mais c'est Dieu, c'est le témoignage de Dieu. C'est la gloire de Dieu, là, la puissance de Dieu qui est ici. C'est Dieu qui a écrit les pierres, puis c'est Dieu qui a donné la manne. Dieu a tout donné. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Ça se ramasse dans l'arche, puis ça reste là. C'est dans l'arche. Et le sang va être versé ici, entre les ailes des chérubins, sur le dessus de l'arche. Ça va? En plus, tu vas faire une table de bois d'acacia. Donc, une table un peu comme celle-là qui est ici, là, qui va servir à mettre, par exemple, les pains de proposition. Mais la table est faite en bois d'acacia, comme l'arche elle-même, le coffre. Le dessus est en or massif, mais le coffre est fait en bois et recouvert d'or. La table est faite en bois d'acacia. Et encore là, Dieu dit, tu couvriras, tu y feras, tu mettras, tu feras, tu mettras, tu feras, tu les couvriras, tu feras, tu mettras. C'est ça que tu vas faire, Moïse. Okay? Regarde le modèle. Okay? C'est ça que tu vas faire. C'est ça que je veux. Est-ce que Moïse, peut-être qu'il a la voix, là, la tente, avec toutes les affaires bien placées, là, OK? Mais même à ça, là, à quoi ça va servir? Pas sûr encore. Hein? Mais Dieu ne lui demande pas sa permission. Dieu lui dit, voici ce que tu dois faire. Quand vous lisez la Bible, là, puis que vous voyez une instruction, là, c'est clair. Là, c'est Dieu dit, garde, Dieu demande ça à son peuple en Israël. Si Dieu le demandait à son peuple certaines choses, il y a une raison pour laquelle il le demandait. Pensez-vous que les raisons ont changé aujourd'hui? Okay? Fait que si c'était vrai, si ce que je lis dans les proverbes, ce que je lis dans les psaumes, ce que je lis chez les prophètes qui parlent des temps à venir, ou n'importe quel passage, mais surtout dans le Nouveau Testament, quand on lit ce que Jésus dit, puis quand on lit les épîtres qui viennent nous expliquer comment vivre notre vie chrétienne, c'est pas juste des encouragements, là. C'est des instructions. C'est la parole de Dieu, c'est un livre d'instructions. Voici, si tu veux t'approcher de moi, voici comment t'approcher de moi. Voici les instructions. Voici avec quelle attitude je veux que tu t'approches, puis voici comment je veux que tu sers. C'est ça que Dieu dit. C'est clair de même. Alors ici, le peuple, il faut qu'il fasse ça. Est-ce que ça va? Alors la table ressemble à ça. En bois d'acacia, recouvert d'or. Et puis sur la table, vous voyez, là, il y a deux piles. C'est des gros pains ronds. C'est des pains de proposition. Il y en a 12, deux piles de 6. Et là, on peut spéculer, en tout cas, pour le moment, peut-être que quelqu'un dans un des autres chapitres nous dira la réponse, là. Je ne me suis pas rendu là. Mais le pain de propitiation est sur la table, puis le sang qui est de sacrifice va être versé sur le propitiatoire, sur l'arche. Hein? Le pain et le vin. Les deux sont là dans la table. Les pains, il y en a 12. Fait que si tu un par tribu... un par tribu, merci. Puis, ouais, c'est ça. C'est principalement ça qui est là. Je pense qu'il y a le parfum qui est là aussi, je ne suis pas sûr, mais bon. Mais la table, elle sert pour ces choses-là. D'accord? Fait que là, elle est faite. Quand elle va être faite, ça vaut encore une petite fortune. Mais ça ne vaut pas le chandelier. Checkez bien ça. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. Il y a une place qui dit tu feras quelque chose là, ici en bas. Mais, intéressant, ça vaut un talent d'or pur. Le chandelier, un talent d'or pur. Un talent, c'est à peu près 30 kg d'or. 30 kg d'or, c'est 1053 onces d'or. Un once vaut 2883 hier. Un once. Donc, le chandelier qu'il y a là devant vos yeux, là, il vaut un petit peu plus que 3 millions. C'est 3 millions 50, 60 000, j'ai oublié, là. Le fabriquer en argent d'aujourd'hui. Israël était-tu pauvre dans le désert? Ça, c'est un talent, là, c'est 30 kg. Salomon, là, il va être payé par les pays, c'est ceux qui lui donnent de l'argent. Là. Hey, c'est je sais pas quand même ça, là, mais c'est des tonnes d'or et des tonnes d'argent qui sont données à Israël. Ils sont dans l'abondance. Mais c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Mais regardez le détail du chandelier, c'est une pièce. Une pièce. Puis les cuillères que vous voyez comme ça, là, c'est pour refléter la lumière. Parce que la seule affaire dans le lieu très saint qui est clair, c'est le chandelier. Il n'y a pas rien. Il fait noir là-dedans. Là. C'est de la toile tout le tour. Il y a 5 épaisseurs sur le toit. Je ne me souviens plus comment c'est épais, les toiles tout le tour, là, mais il fait noir là-dedans. OK? Fait que c'est une belle pièce. Là. Si on l'avait aujourd'hui, tout le monde se battrait pour en avoir des morceaux. Là. C'est bon? Dieu a pourvu à tous leurs besoins, mais Dieu, en même temps, est très exigeant. Le chandelier, là, il sert à quelque chose. Quelqu'un plus tard va nous l'expliquer en détail, OK? Et qu'est-ce qu'il représente, n'est-ce pas? D'accord. Alors, l'Éternel, verset 25.1, l'Éternel parle à Moïse, puis il dit, « Parle aux enfants d'Israël, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. » Vous ferez le tabernacle, tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré. Exode 39. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse l'a béni. Et on fait tout le travail avec précision que Dieu a demandé. Et Exode 40, il dit, « Il dressa le parvis, hein, ça finit comme ça, ou presque, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, ça c'est Moïse, là, ils sont en train de tout monter, ils ont monté les clôtures, ils ont installé toutes les affaires, ils vont se laver les mains dans la cuve, là, ils sont prêts, là, ils placent les derniers morceaux, fait qu'il dresse le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il place le rideau à la porte du parvis, là on vient de sceller le lieu. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage, là c'est fini. Et dès qu'il a fini, alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Là, Dieu descend dans le tabernacle. OK? Et je pense que j'avais une autre slide, mais on va venir plus loin. Mais il descend dans le tabernacle. Maintenant, le tabernacle est placé au centre de toutes les tentes. Toutes les tribus sont autour, en position précise que Dieu va donner. Ça aussi, ça ne relève pas de moi. Quelqu'un va vous l'expliquer. Mais la tente d'assignation est au centre. Mettons que ça, c'est la tente. Et là, il y a trois tribus là, trois là, trois là, trois là, selon l'ordre que Dieu a ordonné. Puis quand ils se déplacent, ils vont aussi se déplacer dans l'ordre que Dieu leur ordonne de se déplacer. Tout est fait selon que Dieu dit. Il n'y a pas de place à la discussion. OK? Mais là, le but de tout ce qu'ils ont fait dans l'Exode de 20 à 40, c'est que l'Éternel descend dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Là, il est au milieu de son peuple. Puis il parle à Moïse, plus du haut de la montagne, mais au milieu du peuple. Ça va? Dieu a tout pourvu pour qu'on puisse faire ça. Tout ce dont ils ont besoin. Fait que l'Éternel parle à Moïse et il dit, « Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui... » Blablabla, le reste viendra plus tard. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. » Fait que là, c'est le peuple qui a le stock. Là. Quand ils sont partis d'Égypte, là, ils ont été chassés d'Égypte, on leur a donné plein d'affaires. Ils sont partis avec ça. Donc, tout est là. Peut-être qu'il y a certaines affaires, là, comme on vient de traverser la mer Rouge, on n'est pas tellement loin de la mer Rouge, on rencontre des peuples, on va même anéantir un peuple, là, j'oublie lequel. Peut-être qu'on a ramassé du stock dans ça là, avec eux autres. Mais le fait est que quand Dieu le demande, là, tout ça est là. OK? De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes de toutes sortes, de toutes couleurs, du fin lin, du poil de chèvre. Du poil de chèvre, là, il va être blanchi, parce que ça, là, il y a une des couvertures sur, la tente, là, c'est du poil de chèvre, mais elle est blanche. Du fin lin blanc, des peaux d'animaux, du bois en masse, de l'huile, des aromates, ils ont tout ça, là, tout ce que Dieu a, des pierres précieuses, ils ont tout ça avec eux autres. Il manque à rien. Mais non seulement ça, là, c'est parce que même avec ça, là, même si nous, là, je vous reculais un gros 10 roues là, avec plein de matériaux, là, on n'a jamais construit ces affaires-là, nous autres-là. Là. Fait que c'est bien le fun, là, Moïse descend de la montagne. Oh! Mais non, mais Dieu a pourvu. Qu'est-ce qu'il a pourvu d'autre? Exode 31 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai, ça c'est Dieu qui fait. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'air. Excusez-moi, là, ils sont combien dans le désert, là, Israël? Quelques millions. 600 000 hommes de pied, ça veut dire pour se battre, mais plus les femmes, les enfants, les vieillards, tout ça, là. Hein? Il a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils d'Hur de la tribu de Juda, et un autre, là, qu'il va nommer tantôt. Je l'ai choisi, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Lui, là, il sait comment faire. C'est pas Moïse qui va le faire. C'est Betsaléel qui va être le contremaître. Pensez-vous que Betsaléel va tout faire ça tout seul, là? Bon, ils ont-ils le temps de créer une école? Oui, ils vont le faire un peu, là. Mais il va pas enseigner les bases des métiers, là. Il va leur montrer ce que Dieu veut. Mais ils sont déjà capables de faire les choses, mais ils ont besoin de savoir qu'est-ce exactement. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Fait que Moïse, là, quand il va descendre, puis il va expliquer ça au peuple, Betsaléel, là, puis Oholiab, eux, là, ils vont comprendre parfaitement ce que Moïse dit. Puis eux, là, ils vont être capables de traduire ça pour tous les ouvriers qui sont déjà capables de faire le travail. Ils ont juste besoin des chefs pour leur dire comment organiser les affaires. Fait qu'ils ont tout le matériel, puis ils ont toutes les compétences. Maintenant, si le peuple dit « Hey, va te faire foutre, Betsaléel, moi, on n'a rien à faire. » Il va faire quoi, Betsaléel? Ils sont des millions. Il va faire quoi, Moïse? Ils sont des millions. D'ailleurs, on voit quand on lit... dans Nombre, on va le voir aussi, là, puis dans Deutéronome, on les voit, là. On rebelle tout le temps. Mais Dieu, il a suscité les gens qui ont besoin. Ils sont là. Moïse, inquiète-toi pas, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. OK? Dans l'Église, il y a tout ce qu'il faut pour faire ce que le Seigneur nous demande. Il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas là. Il y en a des problèmes. Le problème n'est pas dans le fait qu'on n'a pas ce qu'on a besoin. C'est la même chose à la maison. On a tout ce qu'il faut à la maison pour faire ce qu'il faut faire à la maison. C'est juste le prochain sujet. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit « Je rends à mon Dieu... » Ça, c'est Paul, qui écrit à Corinthe, mais c'est Dieu qui nous dit en même temps, « Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Fait qu'il leur écrit, « Je rends grâce à Dieu pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » La grâce, c'est que tu crois. La grâce, c'est que tu es devenu un enfant de Dieu. Bien, sache que si tu es devenu un enfant de Dieu, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. De quoi vous vous plaignez? Pas vous autres, là. T'sais, moi, je parle de façon générale. De quoi on se plaint? Et ça nous a été donné dans l'attente qu'on ait du retour de Christ, de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Car en lui, en Jésus, si on a reçu Christ comme Seigneur de notre vie, on a tout reçu. Bon, moi, là, j'ai pas tous les dons, hein? Puis vous non plus, il n'y a personne ici qui a tous les dons. Mais ensemble, on a tout ce qu'il faut. Notre défi est où? La communication entre nous, la confiance en Dieu, la communication entre nous, l'amour fraternel sincère, se mettre d'accord, prendre le temps qu'il faut, se mettre l'énergie, hein, ça prend du temps, se faire confiance, s'expliquer, se pardonner, etc. C'est ça que ça demande. Mais on a tout reçu. 1 Corinthiens 12. À chacun, ça c'est Abigail, ça t'inclut ça. Chacun, ça t'inclut. C'est de Abigail à Mance, c'est pas là, là, mais de Abigail à Mance, là, chacun. Okay? À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Fait que la sagesse qui est donnée à Betsaléel, c'est pas pour Betsaléel. C'est pour faire ce que le Seigneur a demandé pour que le Seigneur se glorifie dans sa maison. C'est ça que ça sert. Alors, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dernier verset. « J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Pourquoi? Pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Ils sont capables de le faire. C'est Dieu qui l'a donné. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce n'est pas nous qui a décidé, c'est lui qui a décidé. Fait que si quelqu'un m'énerve, là, allez-vous plaindre à qui? Pas à la personne qui vous énerve. Allez-vous plaindre à Dieu, parce que c'est lui qui l'a placé là. Puis il l'a placé là pour une bonne raison. Verset 27. « Vous êtes le corps de Christ, ça c'est nous. » Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas quelque chose à faire ici dans le corps de Christ? Personne. On a tous quelque chose à faire. Non, la question, est-ce que ça m'intéresse? C'est la question. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je cherche à trouver ma place? Est-ce que je veux m'investir? Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns... Il a donné les autres, il a donné les autres, il a donné les autres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble parvenus à l'unité de la foi, ça veut dire qu'on a la même compréhension, à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est un seul homme, là, ça veut dire qu'on travaille comme un seul homme. Il y a un bon film, un cinéma présentement, là, c'est... Ils étaient un seul homme. Ça, on retourne des années, les Olympiques de 1936. C'est une compétition d'aviron. Hein, c'est une baleinière. Mais ça commence, et ça tourne tout croche, ça n'avance pas, ils chicanent, ils se crient après. Mais à la fin, ils vont gagner la médaille d'or aux Olympiques. Ça finit. Comment ils sont arrivés là? Il faut les regarder ramer. C'est là que tu vois qu'un seul homme. OK? Fait que, jusqu'à temps qu'on arrive là, pourquoi? Qu'il faut faire ça afin qu'on ne soit plus comme des petits-enfants là, qui se laissent emporter à tout vent de doctrine par toutes sortes d'affaires qui circulent autour de nous. Là. Je vulgarise un peu. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous grandissions, croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, là, pensez au sanctuaire, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun. On ne demande pas à quelqu'un de faire ce qu'il ne peut pas faire. Mais ce que chacun peut faire, ça s'ajoute à ce que les autres peuvent faire. Puis ensemble, là, si on se respecte mutuellement, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Non, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Okay? Fait que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. C'est ça que Dieu veut. Alors, pour que ça arrive, ça, Dieu appelle à une offrande volontaire. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu demande, son peuple agit. Tout le peuple? Non. Dieu demande, puis ceux qui ont la bonne attitude, qui veulent le faire de bon cœur, eux, ils contribuent. Puis Dieu se sert de ça. Il a tout donné, on a tout ce qu'il faut, mais en même temps, on est peut-être à la même place, dans le sens de la maturité. Fait que Dieu prend ceux-là qui veulent, puis avec eux, il construit, il fait son œuvre. C'est lui qui le fait. Puis ceux qui ne veulent pas, ben observe. Mais éventuellement, ils devraient saisir. Parce que le but, c'est qu'à la fin, même ceux qui avaient de la misère, là, puis qui ne comprenaient pas pourquoi, finissent par dire, « Ah non, mais je pense que je comprends. Je pense que c'est le temps que je me roule les manches, puis que j'embarque. » Puis là, ils embarquent. Puis c'est pas le début, hein, Ecclésiaste 7, il dit, « c'est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Et écoute, quand tu commences une organisation, si tu croches n'importe quoi, tout le monde veut faire son affaire. Mais si tu persévères, hein, tu travailles ensemble, tu y mets l'énergie, à la fin, là, c'est de toute beauté. OK? Fait que ici, c'est ça la chose. Donc, au Exode 35, parce que 25, on commence, 31, c'est fini, là, ça va être le veau d'or pour trois chapitres, là. Puis après ça, 35, on va commencer la construction. Moïse parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Là, c'est vrai, là, Moïse, il dit au peuple, tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel, et là, il donne la même liste qu'on a dans Exode 25. Fait qu'il dit pas à tout le peuple, là, je vous oblige à m'amener quelque chose, je n'oblige personne. Voici ce que l'Éternel a demandé, ceux qui sont bien disposés, apportez-le. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par leur cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre, la tente de la station et pour tout son service, pour les vêtements sacrés. Pour tout. Les gens amenaient chacun selon ce qu'il y avait pour que ce soit utilisé par ceux qui savent quoi faire avec. Et au verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. 2 Corinthiens 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ben, il ne va pas refuser quelqu'un qui vient, qui dit « Ah, je vais le faire, là, tu sais. Ouais, je vais le prendre. Tu vas le faire, mais tu vas faire quoi? Tu vas-tu faire ce que je te demande? Oh, ouais, je vais faire ce que tu me demandes. OK, mais es-tu prêt à écouter ce que je vais te dire? Oh, ouais. Ça va. Ça va jusque-là, tu sais. Puis même si tu le fais en grognant, si tu le fais, puis on voit que malgré la bataille intérieure, là, tu as le cœur à aller de l'avant, là, Dieu va te bénir. Tu vas finir par comprendre, tu vas dire ah, « Merci Seigneur okay? ». Mais si tu viens en disant « Ah, c'est quoi encore là, cette affaire-là, c'est quoi ce niaisage-là? » Ben, non, regarde, on va faire autre chose. Est-ce que vous me suivez? OK, c'est ça que Dieu veut, là. C'est pas ce que moi je veux. Ben, moi j'aime ça aussi. Mais je pense que c'est tout ça qu'on veut, hein, non? Tu sais, les enfants, c'est pour vous ça aussi. Quand les parents ils demandent quelque chose, là, vous pouvez le faire en grognant. Et vous pouvez, en fait, savez-vous quoi? Vous portez volontaire pour faire les choses qu'on vous savait déjà que c'est ça qu'ils veulent. Mais ils ne l'ont juste pas demandé un matin ou après-midi. Tu sais, tu es assis à la table, tu viens de manger, là, mais maman, elle a oublié de dire, bon, chacun, allez porter votre assiette dans l'évier, là. Non, elle a oublié de le dire, on fout le camp. Non, non. Si vous le savez, portez-vous volontaire. C'est ça que Dieu aime, puis c'est ça que les parents aiment. En fait, le faire à mes parents, c'est un apprentissage par rapport à Dieu. Bon, je sais que j'ai dit ça, ça a leur bondi sur le mur, là, puis ça va être oublié, c'est déjà oublié probablement. OK, mais c'est pas grave, c'est quand même ça qui est supposé se passer. Bon, ça va? Et quand on regarde tout ça, là, c'est Dieu qui dicte comment on va s'approcher de lui. Il a tout donné pour qu'on le fasse, mais en même temps qu'il a tout donné, là, il n'exige pas. Il faut que ça vienne de nous. Il va à la croix. Christ a payé plein prix de ce qu'il fallait pour nous rendre propices à Dieu, mais Dieu ne nous oblige pas. C'est avec joie qu'il faut s'approcher. C'est avec joie qu'il faut le recevoir. Puis c'est avec joie qu'il faut servir, même si ça ne me tente pas des fois de servir. Là. Il y a des affaires qui ne me tentent pas, mais regarde, c'est ça que Dieu veut. Je vais le faire pareil. Là. Hein? C'est ça. C'est ça que Dieu veut. Mais, et pas mais. Et dans le même sens, parce que tout ça, ça se tient ensemble, là, c'est à l'écran. C'est pas ça, c'est arrivé, ensuite c'est ça. Ensuite... Non, c'est tout en même temps. Okay? Dieu veut habiter au milieu d'eux. Puis il veut que son peuple le serve avec joie. Ils vont me faire un sanctuaire, puis je vais habiter au milieu d'eux. Fait que là, premièrement, il est sur la montagne. C'est Dieu qui s'est approché, puis il les a amenés proches de lui, au pied de la montagne. Mais ça, c'est la distance permise pour le moment. Là, on va faire le sanctuaire. Puis dans le sanctuaire, il va y avoir un endroit précis là, où est-ce qu'on va, on va s'assurer que quelqu'un qui rentre dans le lieu très saint, là, il a été purifié. Qu'il rentre là, là, sans péché. Les péchés ont été pardonnés, il a été purifié. Et là, là, Dieu va descendre dans la présence de cette personne-là. Puis dans le fond, c'est de s'approcher de tout le peuple. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple a été déchiré, hein, du haut au bas. Nous avons maintenant plein accès au trône de Dieu. On n'a plus besoin de faire des sacrifices. Mais il faut accepter la propitiation de Jésus-Christ, son sang versé sur la croix, pour nous. Et c'est là qu'il nous rend propice à aller vers Dieu puis lui parler, parce que nous, notre nature humaine, nos péchés sont pardonnés. Fait que quand Dieu nous voit, il ne voit pas notre nature humaine. Il voit qui? Il voit Christ. Okay? C'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là que je vais te donner mes ordres. OK? Fait que c'est ça que Dieu veut. Puis regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le modèle qui est sur la montagne, là, le modèle qui t'est montré pendant que tu es sur la montagne. Le modèle n'est pas une version miniature, là, un prototype que Dieu a fait avec des bouts de bois, des cartons d'allumettes. Là. C'est pas ça. Là. C'est quand il est dans la présence de Dieu, Dieu lui montre quelque chose que Moïse va saisir et il va traduire dans ce qu'on va faire. Mais le quelque chose là, qu'il voit, là, c'est dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça a l'air? Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais la représentation terrestre de ce que Moïse voit, Dieu va la donner aussi à j'ai oublié son nom, là. Lui, merci beaucoup. Lui, là. Dieu va le donner à lui, puis l'autre aussi, Yaheb, whatever. Lui, là, ils vont saisir ça, puis ils vont être capables de le traduire pour les ouvriers. Puis ce qu'ils vont produire, Moïse dit, c'est ça. C'est exactement ça, c'est parfait. Puis il va le bénir. Va bénir le peuple. Mais non seulement ça, Dieu acquiesce. Quand Moïse dit c'est ça, là, bon job, Dieu descend dans le tabernacle. Ça, c'est l'approbation. OK? Alors, c'est une autre version de la même affaire, mais si, la toile ici a été coupée, là, c'est intentionnel, là, c'est pas la vraie. C'est juste pour qu'on puisse voir dedans. Fait que ici, on a le lieu. Ici, c'est le parvis. Puis là, c'est intéressant parce qu'on pourrait jaser beaucoup. La porte pour entrer, là, est ici. Jésus est la porte. Ici, c'est comme le parvis, c'est notre vie terrestre, on va dire, avec tout ce qu'on peut faire. Mais Christ, là, il va être sacrifié. Hein? Il va être purifié. Puis il va son sang qui est versé ici, là, hein, parce que c'est ici que ça se passe, son sang qui est versé ici est propice pour la relation avec Dieu. Okay? Fait que, tout ça, là, ça nous parle de Christ. Okay? Fait que je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Ici, vous avez l'habit du prêtre là, avec son éphod, puis il y a 12 pierres précieuses, une par tribu. Okay? Fait que ça, mais le point, c'est pas tellement ça comme le fait que, regardez autour, il est au milieu de son peuple. Tu ne peux pas être plus au milieu que ça. Là. 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au sud, 3 tribus au nord. Et tout se passe ici. Et quand, imaginez, là, des millions de personnes, là, ça, ici, c'est, on en voit quelques-uns, là, mais si je reculais, on verrait des tentes pour 2 millions de personnes. Quand Dieu vient, là, la nuée descend dans le tabernacle, tout le peuple le sait que c'est ça qui se passe, que Dieu est là. Fait qu'il y a un saint respect de Dieu, puis il est plus loin, il est proche, il est accessible. Juste revenir à mon sujet, c'est Dieu désire habiter au milieu d'eux, OK? Fait que donc, c'est ça qu'il a fait ici dans le désert. Mais dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui change. C'est que Jésus, quand il rencontre la Samaritaine dans Jean chapitre 4, il est en Samarie, puis il est assis au puits, puis là, il y a une femme qui puise de l'eau, puis là, il parle. Un juif me parle, une Samaritaine. Et là, il y a une conversation. Mais le passage important, c'est que la femme, à un moment donné, elle lui dit, la femme, elle lui parle de ce qu'elle vit, puis là, elle lui demande, elle dit, je sais qu'il y a un prophète qui est supposé devenir, là, mais tout ça, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut savoir. Puis là, elle pose la question, elle dit, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, nous, on dit que c'est sur la montagne, mais c'est quoi la chose? Et là, il répond, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y a un temple qui ressemble à ce qu'on vient de voir dans le désert. Fait que Salomon va construire un temple avec des pierres, ça va être majestueux, va être détruit, va te rebâtir, il va te redétruire, mais un jour, il va te rebâtir. Bon, peut-être. Fait que, mais Jésus dit, là, viens, où ce ne sera ni sur cette montagne, là où on est, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez, vous, les Samaritains, ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais alors, viens, et il est déjà venu, parce qu'il est là, c'est Jésus qui lui parle, hein, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus un temple matériel, ni en toile, ni en pierre. C'est une autre sorte de temple. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ceux qui adorent en esprit et en vérité, là, ça, tu ne peux pas être plus volontaire que ça. Il n'y a personne qui adore en esprit et en vérité s'il n'a pas envie de le faire. Là. Ça va? Si tu es vraiment volontaire, là. Si tu décides de ta bouche ou dans tes pensées d'adorer Dieu, c'est toi, là, ça, c'est entièrement toi. C'est ça que Dieu demande, que tu le fasses avec joie, de bon cœur, tu vas vers ton Père. Éphésiens 2, au verset 19. Dieu nous dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous n'êtes pas des exclus d'Israël, mais vous êtes des concitoyens des saints. » On est des la ville là, dans laquelle on habite, ce n'est pas une ville terrestre avec des maisons. Là. La ville dans laquelle on habite, là, c'est nous. On est des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Nous sommes, nous, le temple individuellement, le temple de Dieu. Nous sommes ensemble le temple de Dieu. C'est pas physique, c'est pas des maisons, c'est nous, OK? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ce qui était annoncé dans les Écritures. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la première pierre qu'on place pour construire un bâtiment, cette pierre-là, les arpenteurs, ils travaillent très fort à être très, très, très précis, parce que si elle est mal placée, même l'angle, là, si elle est mal placée, tout le reste de la bâtisse est en erreur. Fait que cette pierre-là, il faut qu'elle soit parfaitement placée. Jésus-Christ est cette pierre-là. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, l'édifice, là, c'est nous. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il est la première pierre. Nous, on est des pierres vivantes, attachées à la pierre angulaire, puis à la place que Dieu nous veut. Fait que si tu étais en bas de la fondation, je te jure que c'est pas ça en au-dessus. Si t'es en haut, ben, c'est moins, t'as pas de poids sur les épaules, mais il vente puis il fait fret. Tu sais, chacun a sa place avec ce que Dieu lui a donné. Sans se plaindre. Mais c'est ça que Dieu fait. Et là, on est ici dans notre corps physique, là, mais un jour, là, on va être dans notre corps glorifié. Puis cette maison-là qu'on voit pas de nos yeux qui existe, on va la voir. Mais même si je la vois pas, elle est là pareil. Nous sommes... Il n'a pas dit « Vous serez concitoyens ». Nous sommes concitoyens. Nous sommes une habitation. On a de la difficulté à la voir, puis on a de la difficulté à s'en rappeler. Et là, on pourrait lire Colossiens, là, mais vous irez le lire. Hein, Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 23, là, c'est vraiment ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de regarder. Ça va? Donc, Dieu est souverain, c'est lui qui décide, je te le remets, Dieu est souverain, c'est lui qui décide, il a tout orchestré, il ne nous demande pas notre permission, dès le septième jour, tout est déjà établi, Dieu il sait ce qu'il fait, depuis le commencement, il n'y a rien qui a échappé à Dieu, il n'y a rien qui va échapper, Satan a voulu empêcher Jésus de faire ce qu'il a fait, il a voulu l'empêcher d'aller à la croix, okay, il n'a pas été capable. Dieu, en son temps, fait les choses qu'il a promis. C'est indépendant de ce que les hommes font. Alors nous, là, on a toutes des raisons de s'inquiéter de quoi que ce soit. Humainement parlant, maison. Spirituellement parlant, absolument pas. Quel côté vous voulez marcher? Alors mettez votre confiance en Dieu. Il y a un seul Dieu, l'Éternel. Il y a un seul Sauveur, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors mettez votre confiance en Dieu. Et si vous ne le connaissez pas, ben, il n'est jamais trop tard là, pour lui parler ou parler à quelqu'un qui le connaît, pour s'approcher de lui puis le laisser devenir le gouverneur de votre vie. Amen? Amen. Amen.